Ma chérie, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Ma chérie, qu'attends-tu de moi? Ma chérie, dois-je t'appeler chérie? Toi qui as détruit ma vie, ma chérie, quel est le but de tout ça? Que fais-tu entre mes bras? Ma chérie, tu as tué mes amis. Que fais-tu dans mon lit? Ma chérie, tu as le culot de te montrer. Venir à moi, me demander la paix. J'aimerais te faire l'amour et t'éventrer. Tes boyaux, les rôtir en civet. Et si ta famille veut me tuer, moi aussi je veux me tuer. Et si tes excuses ne me touchent même plus, moi non plus, je ne m'aime plus. Ma chérie, tire-en une leçon. Pour ta prochaine série de garçons. Les sentiments sont effacés. Quand le taux de haine est dépassé,